On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Saguenay de Chicoutimi. Hier, dans une entrevue qui a été diffusée sur les ondes du 98.5 à l'émission de Ron Fournier, Marc Denis, qui est actionnaire dans les Saguenay de Chicoutimi, est revenu sur la belle victoire des Saguenay 4-3 contre les Huskies de Rouyn-Noranda et se dit très, très fier. Donc, on remercie le 98.5 pour l'extrait audio de Marc Denis. Le Titan Acadie Batters, de notre côté, ça a été une série âprement disputée contre les Huskies de Rouyn-Noranda qui avait terminé deuxième. Puis peut-être pour raconter la petite histoire de ce septième match-là, c'est qu'on tirait de l'arrière avec 10 minutes à faire en troisième période par deux buts. C'était 3-1. Rétrécit l'écart. Avec un peu plus de 2 minutes à faire, on écope d'une pénalité de 4 minutes, qui est une pénalité entièrement méritée. Là, c'est un accident, un bâton erreur, un bâton élevé, une coupure, il y a un 4 minutes. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui donne cher de notre peau. Les carottes semblent cuites. Notre entraîneur est vif d'esprit. Après un premier dégagement, puis un deuxième, on retire le gardien, même si on est à désavantage. On réussit à créer l'égalité. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, puis c'est peut-être une note aux jeunes entraîneurs, hein, c'est que là, les émotions sont hautes. Hein. Tu viens de créer l'égalité à 1 minute de la fin d'un match numéro 7, mais il reste encore 2 minutes et demie à écouler en infériorité numérique. Donc, temps d'arrêt, on écoute ces minutes-là pour remporter le match en prolongation. Wow. J'ai dit sur plusieurs tribunes... De course à pied maintenant, Éric Marcoux de Saint-Félicien a participé lundi au marathon de Boston. C'était la 121e édition qui était courue lundi dans les rues de Boston. Et dans un premier temps, Éric Marcoux a mentionné que ça a mal été, évidemment. Il a eu des problèmes de santé. Il a dû abandonner après 32 km. Et il explique un peu sa condition lorsqu'il s'est présenté à Boston. Entre 10 et 15, la journée du marathon, 3-4 jours avant. Puis je suis arrivé là-bas avec un 30 degrés la journée de l'inscription. Puis le lendemain, quand on a fait la course, c'était 26 avec le facteur humidex, ça montait à 30. Puis j'ai pas été capable, mon corps n'a pas été capable de s'adapter. Là, j'ai couru, puis j'ai couru. Je t'avouerai que dans la première partie moi je suis parti dans la première vague. En bas de 3h15 de chrono, on est 2000 à courir à partir des premiers. Fait que moi, je partais dans le fond avec les Éthiopiens et les Kenyans. Puis, mais je fais plus en dernier là, de la oui, je comprends. Ouais. Mais on partait tous là, la première demi-heure. Mais là, c'est comme une vague. Là. Tu pars, là, puis c'est comme 4 voies de large. C'est sur 1 kilomètre de long, puis c'est des coureurs rapides. Fait que là, je me suis peut-être laissé un peu entraîné à essayer de suivre. Ben, oui, c'est ça. Le groupe, puis c'est l'énervement. Puis il y a du monde un peu tout le long, je te dirais 40 kilomètres de long. Il y a des gens qui t'encouragent. Il y a des villages tout le long, là, puis c'est pittoresque. Puis, mais il y a des gens qui crient puis qui t'encouragent. Fait que là, t'as comme un effet d'entraînement. Ça fait que ce que je me suis aperçu quand j'ai pris mes temps de qualification là, sur le site du Marathon de Boston, là, j'ai vu vraiment après, c'est que après le tiers de mon marathon, après 15 kilomètres, j'avais un temps de chrono de 3h15. Ah, j'étais parti beaucoup trop vite. Puis, c'est vraiment puis après ça, puis avec la chaleur, ça fait que là, la chaleur, je suis venu vraiment, même si j'avais un bon plan d'hydratation, j'avais suivi le régime parfaitement là, comme mes autres marathons, mais là, j'ai commencé à me déshydrater puis à commencer à avoir des sensations de crampes là, dans les cuisses, dans les mollets. Ouais. Fait que j'ai réussi à me rendre jusqu'au kilomètre 32, ce qui était à peu près, il me restait 10 kilomètres à faire. Là, j'étais rendu au niveau de Newton, là, la ville où il y a le Boston College. Ouais. J'étais à 10 kilomètres. Éric Marcoux a indiqué qu'il ne savait pas encore s'il allait être en mesure ou s'il allait participer à la 122e édition, car une personne qui est qualifiée pour le marathon de Boston, son temps est bon pour 2 ans. Parlons toujours de course à pied. Alex Bussière courant en Californie au cours du week-end et l'athlète de Dolboom Sicily a terminé au 7e rang au 800 mètres. Il a réussi un temps de 1 minute 50 secondes. Alex Bussière a mentionné sur les médias sociaux qu'il se sentait quand même, il était très très très heureux de sa prestation. Et on sait que les sports d'été s'en viennent à très grands pas. C'est l'inscription de la Ligue de Balmol qui aura lieu de Ballande de Robertval qui est en cours actuellement à Robertval. Et on est en période d'inscription. Et si vous voulez vous inscrire, les matchs auront lieu 2 soirs par semaine, soit le mardi et le jeudi. On prévoit avoir 20 personnes, 20 parties minimum par saison et les séries devraient avoir lieu à la fin du mois d'août. Date limite d'inscription, le 5 mai prochain. J'ai vite écouté la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Stéphane Labeau, où on revient évidemment sur le match de mardi soir entre les Canadiens et les Rangers de New York. Et vous écoutez l'entrevue intégrale que j'ai réalisée hier avec celui qui a couru au marathon de Boston, Éric Marcoux. Le Sport local et régional, atteindre du sport.com à son équipe.